إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans traduction du livre الملخص في شرح كتاب التوحيد عن يد الإمام محمد بن عبد الوهاب et une explication du Cheikh صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre Babu min al-shirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'i al-bala'i aw daf'i. Chapitre du fait que fait partie du shirk le fait de porter des anneaux, des fils ou autres afin d'enlever un mal ou bien de le repousser. On avait expliqué la différence la semaine dernière entre raf'u al-bala'i wa daf'i. Qui s'en rappelle? La différence entre raf'u al-bala wa daf'i. Ahsant. Raf'u al-bala, enlever un mal, c'est après qu'il ait eu lieu. Et repousser un mal, c'est avant qu'il n'atteigne la personne. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. في الأوتار سيد الحديث دو عمران بن حسين رضي الله عنه dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait dans sa main un anneau de cuivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qu'est-ce que cela ?» Il a répondu « Min al-wahina » c'est-à-dire afin de repousser un mal appelé, une maladie appelée al-wahina, qui est une maladie, comme on le verra, qui touche essentiellement les mains et le bras. Le prophète sallam lui a dit « Inzirha, retire-la, car elle ne fera t'ajouter que de la maladie et de la faiblesse. Et si tu meurs, alors qu'elle est sur toi, tu ne connaîtras jamais la victoire et la félicité. » Imran, huwa Imran ibn Husayn ibn Ubayd بن خلف الخزاعي صحابي بن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. ما هذه؟ استفهام إنكار. الواهنة نوع من المرض يصيب اليد. انزعها اطرحها والنزع هو الجذب بقوة. وهنا ضعفا ما أفلحت الفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. عمران ابن حسين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي qui est un compagnon fils d'un compagnon. عمران ابن حسين est un compagnon fils d'un compagnon رضي الله عنهما. Il a embrassé l'islam l'année de Khaybar et il est mort en l'an 52 de l'Hégire dans la ville de Al-Basra qui se trouve en Irak. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme « Qu'est-ce que cela ?» Cela est une question dans le but de réprimander. « Al-wahina » c'est une sorte, une forme de maladie qui touche la main. « Inzi'ha » lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Retire-la »« Ay itrahha » c'est-à-dire « Enlève-la » et un nazru c'est le fait d'enlever avec force, c'est-à-dire retire-la avec force et jette-la. Wahnan da'fa, c'est-à-dire le fait de porter cet anneau à la main ne fera que te rajouter de la faiblesse, toi qui la portes dans l'intention qu'elle te protège ou que cet anneau te protège de cette maladie. Ma aflahta, al-falahu, c'est la réussite, c'est le triomphe et c'est le bonheur. Ce hadith de Imran ibn Husayn, les savants l'ont considéré faible. Parmi eux, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui ont considéré ce hadith comme étant faible. Quelle est la position du musulman face aux hadiths faibles, notamment les quelques hadiths faibles qui ont été rapportés dans le livre du Tawhid de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala? Doit-on les étudier? Doit-on les apprendre par cœur? Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, dans son explication de Kitab al-Tawhid, car le livre qu'on étudie est le résumé de Kitab al-Tawhid, de l'explication du Kitab al-Tawhid, et Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, a une autre explication du livre du Tawhid, qui, celle-ci, est plus détaillée et s'étend sur deux volumes. Et c'est dans le premier volume, la page 12, que le cheikh dit « وَلَمْ يُرِدِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا مَا صَحَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَوْ كَانَ حَسَنَ الْإِسْنَادِ أَوْ لَهُ شَوَاهِدُ تُقَوِّيهِ أَوْ هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍ يَشْهَدُ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ » Il dit « حَفِظَهُ اللَّهُ » Le cheikh, c'est-à-dire l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ne rapporte dans son livre Kitab al-Tawhid que des hadiths qui sont authentiques, ou bien dont la chaîne de transmission est bonne, ou bien ce hadith a d'autres, ou bien le hadith qu'il cite a d'autres versions qui viennent le renforcer, ou bien ce hadith rentre sous l'égide d'une base qui est appuyée dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les hadiths présents dans Kitab al-Tawhid, soit ils sont authentiques, soit ils ont une chaîne de transmission qui est bonne, soit la chaîne de transmission est faible mais il y a d'autres versions qui viennent la renforcer, ou soit alors le hadith est faible mais son sens est vrai. Et son sens est appuyé par d'autres textes du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et le hadith de Imran ibn Husayn est dans ce cas. C'est un hadith qui est faible. Et certains savants ont dit qu'il est mawquf, c'est-à-dire que c'est la parole de Imran ibn Husayn. Que c'est la parole de Imran ibn Husayn, radiyallahu ta'ala anhu. Et d'autres savants lui ont donné le hukm du marfou', ils lui ont donné le jugement du marfou', malgré qu'il soit mawquf. Et le hadith mawquf, c'est la parole du compagnon. Le hadith marfou', c'est le hadith qui arrive jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et un hadith mawquf, c'est-à-dire la parole du compagnon, peut avoir le jugement du hadith marfou', notamment lorsque dans le hadith, il y a des choses qui sont citées, qui ne peuvent être ou qui ne peuvent émaner que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ici, Imran ibn Husayn a dit, et si tu mourrais et que cet anneau était sur toi, tu ne connaîtrais pas la réussite. Et cela ne peut être dit de la part d'un compagnon qu'après l'avoir entendu du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. المعنى الإجمالي للحديث يذكر لنا عمران بن حسين رضي الله عنهما موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه ذلك الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصفر فسأله عن الحامل له على لبسها فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصمه من الألم فأمره بالمبادرة بطرحها وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره وأنها تريد الداء وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. Le sens général de ce hadith. Imran ibn Hussein, radiallahu anhuma, nous rapporte une position qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son combat du shirk et le fait d'épargner les gens de celui-ci. Quelle est cette position qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a vu un homme qui portait un anneau en cuivre et il lui a demandé quelle est la raison du port de cet anneau. Cet homme a répondu qu'il porte cet anneau afin qu'il le préserve de la douleur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de le jeter. Et il lui a informé que cet anneau ne peut en aucun cas lui apporter un bien, bien au contraire, il ne fera qu'augmenter le mal. Et que ce pourquoi il a porté cet anneau, ce sera le contraire qui adviendra, à savoir que cette maladie va s'accroître. Et plus grave encore, que si il persiste à porter cet anneau et qu'il meurt dans cet état, il ne connaîtra point la félicité et la réussite dans l'au-delà. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح. Le contexte du hadith dans ce chapitre de Kitab al-Tawhid. Ce hadith prouve l'interdiction de porter des anneaux pour enlever un mal. Et que cela fait partie du shirk qui est en contradiction totale avec la réussite. ما يستفاد من الحديث أولا أن لبس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض من الشرك. Ce qu'on retient premièrement, que le fait de porter des anneaux ou autres afin de se protéger de la maladie ou des maladies fait partie du shirk. ثانياً النهي عن التداوي بالحرام. Deuxièmement, l'interdiction de se soigner par une chose interdite. ثالثاً إنكار المنكر وتعليم الجاهل. Troisièmement, on retient de ce hadith le fait de condamner le mal et d'enseigner à l'ignorant. Qu'est-ce que c'est? Le professeur Hassan n'a pas hésité à condamner le mal qu'il a vu et à enseigner à cet ignorant et d'enseigner à cet homme, Afwan, le jugement de ce qu'il a fait et les conséquences néfastes qui en découlent. Rabi'an dararu shirki fi dunya wal akhirah. Quatrièmement, on retient de ce hadith le caractère néfaste du shirk dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Khamisan istifsal al mufti wa i'tibar al maqasid. Cinquièmement, le retien de ce hadith, le fait que celui qui veut apporter une réponse à un jugement, qu'il doit demander des explications à la personne concernée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cet homme porter l'anneau, est-ce qu'il a d'emblée jugé que c'était du shirk? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a d'abord posé la question, qu'est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que tu portes cet anneau? Car s'il aperçut cet homme le portait sans cette intention de repousser une quelconque maladie, est-ce que cela aurait été considéré comme du shirk? La réponse est non. Et également le fait que les intentions ont un impact sur le jugement. إنما الأعمال بالنيات. سادسا أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. Sixièmement, que le petit polythéisme est plus grave que les grands péchés. سابعا أن الشرك لا يعذر فيه الجهل. لا يعذر فيه الجهل. Septièmement, que le polythéisme, le shirk, la personne n'est pas excusée de son ignorance. En matière de shirk, la personne n'est pas excusée de son ignorance. ثامنا التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه. Huitièmement, la dureté dans la condamnation vis-à-vis de celui qui commet un acte de polythéisme, afin de l'en éloigner. Car plus ta condamnation est ferme, plus la personne se rendra compte de la gravité de son acte. ثم قال المؤلف رحمه الله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. حمك الله. Et selon lui, c'est-à-dire selon l'imam Ahmed, rahimahullah, selon Uqba ibn Amir marfou'an, c'est-à-dire selon Uqba ibn Amir qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allaqa tamimatan, celui qui accroche une amulette qu'Allah ne lui accorde pas ce pour quoi il l'a porté, et celui qui porte Al-Wada'a, qui est, comme on le verra, un coquillage qu'Allah ne lui accorde pas ce qu'il recherchait. Et dans une autre version, celui qui porte une amulette a commis du polythéisme. Quant au premier hadith, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'a considéré faible. Mais son sens est vrai, car il est appuyé par la seconde version, rapportée par l'imam Ahmed également, qui, elle, est authentique, à savoir, celui qui accroche une amulette a commis du polythéisme. Uqbatu ibn Amir. هو عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور. نعم, j'ai oublié de dire tout à l'heure, quel est le jugement d'apprendre les hadiths faibles qui sont dans le livre du Tawhid? La réponse est qu'il est autorisé de les apprendre, comme on l'a dit, car dans le pire des cas, ce sont des hadiths qui sont faibles, mais dont le sens est authentique, mais la personne doit citer l'authenticité, ou plutôt la faiblesse de ce hadith. Donc de l'apprendre, en apprenant également que c'est un hadith qui est faible en terme de chaîne de transmission, mais qui est vrai en termes de sens. Uqbatu ibn Amir huwa Uqbatu ibn Amir al-Juhani, sahabi mashhur, wa kana faqihan fadilan, waliya imarata Misra li Muawiyah 3 sinin wa mata qariban min al-60, wa lahu ay warawa al-Imam Ahmad, ta'allaqa tamimatan أي علق عليه أو على غيره معتقدا بها والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين فلا أتم الله له دعاء عليه بأن لا يتم الله أمره. ودعة، الودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، فلا ودع الله له أي لا جعله في ودعة وسكون، أو لا خفف الله عنه ما يخافه. وفي رواية أي روى الإمام أحمد من حديث آخر. Uqba ibn Amir al-Juhani, un compagnon réputé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était faqih, il avait une compréhension de la religion. C'était un grand juriste. Et à l'époque de la gouvernance de Muawiyah, il a été, c'est-à-dire Uqba ibn Amir, le gouverneur de l'Égypte pendant 3 années. Et il est mort, radiallahu anhu, approximativement à l'âge de 60 ans. Celui qui accroche, ta'allaqa tamimatan, celui qui accroche une amulette, c'est-à-dire qu'il l'accroche sur soi ou sur autre que lui, en ayant une croyance vis-à-vis de celle-ci. Et l'amulette, ce sont des perles, ici à Tamima, ce sont des perles que portaient les Arabes et qu'ils accrochaient sur leurs enfants afin de les protéger du mauvais œil. Qu'Allah ne lui accorde pas ce qu'il espérait ou ce qu'il recherchait. Ici, c'est une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre celui qui porte des amulettes afin que son souhait ne se concrétise pas. Donc ceux qui portent des amulettes, qu'ils sachent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en leur faveur ou contre eux. Contre eux. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah Azza wa Jal afin qu'il n'accorde pas à cette personne la raison pour laquelle elle a porté cette amulette. Wada'atan, et celui qui accroche une wada'a, al-wada'atu, c'est une chose qui sort, qui est extraite de la mer, qui ressemble à un coquillage. Et vous voyez beaucoup des amulettes qui sont sous forme de coquillages ou de pierres marines. Et également, il portait ce genre de choses pour se protéger du mauvais œil. Fala wada'a Allahu lah. Le professeur Hassan a invoqué également contre celui qui porte ce genre de coquillage. C'est-à-dire, ici, c'est une invocation du professeur Hassan afin qu'Allah Azza wa Jal n'accorde ni la tranquillité ni la quiétude à celui qui porte afwan al-wada'a. Ou, on peut comprendre également la wada'a Allahu lah, c'est-à-dire qu'Allah ne l'allège pas de ce qu'il redoutait. Qu'Allah ne l'allège pas de ce qu'il redoutait en portant cette forme d'amulette. المعنى الإجمالي للحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر بأن يعكس الله قصده ولا يتم له أموره، كما أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل الودع لنفس القصد السابق أن لا يتركه الله في راحة واطمئنان بل يحرك عليه كل مؤذن. وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل، كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك. Le sens général de ces deux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre ceux qui utilisent des amulettes en pensant qu'elles peuvent repousser un mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre ces personnes afin qu'Allah fasse que ce soit le contraire de ce qu'ils redoutaient ou de ce qu'ils espéraient qui arrive, et qu'Allah ne leur accorde pas ou ne fasse pas que ce qu'ils espéraient se concrétise. Comme il a invoqué sallallahu alayhi wa sallam contre celui qui porte al-wada'a, forme de coquillage, dans le même but. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué afin qu'Allah azawajal ne laisse pas cette personne dans la tranquillité et l'apaisement, mais au contraire que revienne sur lui toute chose nuisante à la fois. Et cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son but est de mettre en garde contre ses actes. Et dans le second hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que ce genre d'acte, à savoir de porter des amulettes ou autres, est considéré comme du polythéisme. مناسبة الحديثين للباب أن فيهما دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله. Le contexte de ces deux hadiths dans ce chapitre du livre de Kitab al-Tawhid. Il y a dans ces deux hadiths une preuve de l'interdiction de porter des amulettes ou des coquillages, et le fait de considérer cela comme du polythéisme. Pourquoi ? Car celui qui porte ce genre de choses, son cœur s'attache à autre qu'Allah. Son cœur est attaché à autre qu'Allah. ما يستفاد من الحديثين أولا أن تعليق التمائم والودع من الشرك. Ce que l'on retient de ces deux hadiths, premièrement, que le fait de porter des amulettes ou des coquillages fait partie du polythéisme. ثانيا أن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده. Deuxièmement, que celui qui s'attache à autre qu'Allah, Allah lui infligera le contraire de ce qu'il souhaitait. Allah lui infligera le contraire de ce qu'il souhaitait. ثالثا الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه مراده. Troisièmement, le retien de ces deux hadiths, l'invocation, salam tullah, contre celui qui porte des amulettes ou des coquillages afin qu'il n'atteigne pas son but et qu'advienne le contraire de ce qu'il désirait. ثم قال المؤلف رحمه الله ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Et selon Abi Hatim, selon Hudhayfa, qu'il a vu un homme dans sa main un fil qu'il portait pour repousser la fièvre. Il l'a alors arraché et a lu la parole d'Allah Azzawajal, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Le verset 106 de Sourate Yusuf. وَلِبْنِ أَبِي حَاتِمْ أي وروى ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل عن حذيفة وهو ابن اليمان العبسي حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين الأولين مات سنة 36 رضي الله تعالى عنه من الحمى أي للوقاية من الحمى فلا تصيبه بزعمه وتلا أي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى. Et selon Ibn Abi Hatim, c'est-à-dire que l'imam Ibn Abi Hatim, qui est l'auteur du livre Al-Jarh wa Al-Ta'dil, rapporte de Hudayfa, qui est Hudayfa ibn al-Yaman al-Abbasi, l'allié des Ansar, l'illustre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui se sont convertis les premiers à l'islam, et il est mort, radiyallahu anhu, en l'an 36 de l'Hégire. Cet homme, Hudayfa radiyallahu anhu, a vu un homme qui portait une ficelle dans sa main pour repousser la fièvre, c'est-à-dire min al-humma, afin de se protéger de la fièvre qui ne saurait le toucher selon ce qu'il prétend. Donc cet homme portait cette ficelle et considérait que, en portant cette ficelle, eh bien, il ne serait pas atteint de fièvre. Watala et Hudayfa radiallahu anhu Ali a lu sur lui ce verset pour appuyer sa condamnation de ce qu'il a vu. Ma'na al-athar ijmala أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عضده خيطا يتقي به مرض الحمى فأزاله عنه منكرا فعله هذا واستدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. Le sens général du hadith, du sens général du Asar Afwan. Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu a vu un homme qui avait attaché sur son adoud. Quel est le adoud? C'est dans le Asar, c'est une main, mais la main en arabe, ça peut vouloir dire la main, mais aussi tout le bras. Et ici, Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'il explique le sens général du hadith, dit que cet homme avait attaché une ficelle au niveau du haut de son bras. Al-Adoud, c'est le haut du bras. Et on voit des fois des gens qui accrochent des ficelles au niveau de leur biceps. Il a vu un homme attacher une ficelle au niveau supérieur de son bras, afin d'être préservé de la fièvre. Et Hudayfa, radiallahu anhu, a retiré cette ficelle en condamnant cet acte. Et il a pris pour preuve ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala informe que les polythéistes rassemblent entre l'attestation qu'Allah Azza wa Jal est le seul pourvoyeur, le seul qui détient, où ils acceptent et reconnaissent l'unicité de la seigneurie, tout en sombrant dans l'associanisme, dans l'adoration. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah. C'est-à-dire, ils croient en la seigneurie d'Allah, mais qu'en lui donnant des associés. Ils prennent des associés en dehors d'Allah dans l'adoration. C'est humma. S'ils ont mis la harakat, c'est humma, non, c'est une erreur. La fièvre, c'est al-humma, bi raf'i al-ha. مناسبة الأثر للباب أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض الشركا يجب إنكاره. Le contexte de ce athar dans ce chapitre de Kitab al-Tawhid. Il y a dans ce athar la preuve que de porter des ficelles afin de repousser une maladie fait partie du polythéisme qu'il faut condamner. ما يستفاد من الأثر أولا إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دفعه وأنه شرك. Premièrement, on retient de ce hasard que l'on doit condamner le fait de porter des ficelles afin de d'enlever un mal ou de repousser celui-ci et que cela fait partie du shirk. ثانياً وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته. Deuxièmement, l'obligation d'éradiquer un mal pour celui qui a la possibilité de l'éradiquer. Et vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Celui qui voit un mal, qu'il le corrige par sa main. فإن لم يستطع فبلسانه, par sa langue, s'il ne peut pas, par son cœur, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et ceci est le degré le plus bas de la foi. ثالثاً صحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشموله له. Troisièmement, le bien fondé d'utiliser pour preuve des textes qui condamnent le grand polythéisme pour condamner le petit polythéisme, car celui-ci est inclus dans l'autre. Ici, Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, c'est après pour preuve le hadith, le verset de Sourate Yusuf. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Illa wa hum mushrikun. Ici, le polythéisme qui est voulu dans ce verset, c'est lequel, le grand ou le petit? Le grand. Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, a utilisé pour preuve ce hadith pour condamner le port d'amulettes ou autres, et en l'occurrence ici, c'est le port d'une ficelle. Et le port d'une ficelle, ou le port de tamaim, on avait dit qu'il y avait deux jugements. Soit c'est du grand polythéisme, lorsque la personne considère que ce qu'elle porte en soi la protège du mal et lui apporte du bien. Dans ce cas, c'est du grand polythéisme. Ou bien la personne sait que c'est Allah qui apporte le bien et qui repousse le mal, mais que cette amulette est une cause uniquement. Dans ce cas, c'est du shirk asrar. Ici, Cheikh Fawzan dit qu'il est autorisé d'utiliser pour preuve des hadith, des versets ou des textes qui parlent du grand polythéisme pour condamner une chose qui fait partie du petit polythéisme. Pourquoi? Car le grand polythéisme englobe aussi le petit. رابعا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مشركون لأنهم لم يخلصوا في العبادة. Quatrièmement, que les polythéistes reconnaissent l'unicité de la seigneurie, mais malgré cela ils sont considérés comme des polythéistes car ils ne sont pas sincères dans leurs adorations et n'adorent pas Allah seul sans ne rien lui associer. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. رواه البخاري ومسلم. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ouvre un nouveau chapitre qui est ce qui est rapporté dans les incantations et les amulettes. Il est rapporté dans le Sahih, selon Abu Bashir al-Ansari radiallahu anhu, qu'il était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'un de ses voyages. Et il a envoyé un émissaire. Quel était le message que devait transmettre cet émissaire? De ne laisser autour du cou d'un chameau aucune corde. Ou qilada, ou de choses attachées sans qu'elles ne soient arrachée, sans qu'elle ne soit arrachée. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Ce chapitre est une continuation de ce qui a été cité comme chose qui porte atteinte à la croyance du Tawhid comme incantation et amulette qui comporte du shirk. ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي عما لا يجوز منها. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dit le chapitre de ce qui est rapporté dans les incantations et les amulettes. C'est-à-dire ce qui est rapporté comme interdiction concernant les choses interdites dans ces deux choses, à savoir les incantations et les amulettes. في الصحيح أي في الصحيحين عن أبي بشير هو صحابي شهد غزوة الخندق ومات بعد الستين قلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره وتر واحد أوتار القوس أو قلادة شك من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره. أبو بشير qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a participé à la bataille de l'Khandaq, des tranchées. Et il est mort après l'âge de 60 ans, radiyallahu anhu. Dans le hadith est cité le terme qilada, qui est ce qui est attaché autour du cou d'un chameau ou autre bête. Watarun, qui est le singulier de la corde de l'arc. Al-Watar, c'est la corde de façon générale et la corde de l'arc de façon précise. Aw qiladatun. Le rapporteur, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, a douté. Est-ce que Al-Qilada, ce qui est attaché autour du cou du chameau ou autre, celle qui est interdite, est-ce celle qui est constituée de cordes ou quelle que soit sa constitution? Pour cela, qu'il a dit de ne laisser autour du cou d'un chameau aucune chose en corde ou chose attachée autour du cou. Autrement dit, le rapporteur a douté, est-ce que ce qui est interdit, c'est uniquement d'attacher des choses qui sont sous forme de cordes ou qui sont composées de cordes ou quelle que soit leur composition. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بعض أسفاره من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يراد بها دفع العين ودفع الآفات لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته. Le sens général du hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a envoyé dans certains de ses voyages, des appeleurs pour informer les gens d'enlever tout ce qui est attaché autour des coups des chameaux, des choses attachées dans lesquelles il est voulu le fait de repousser le mauvais œil ou toute chose néfaste, car ceci fait partie du shirk qu'il est obligatoire d'éradiquer. مناسبة الحديث للباب من حيث إنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوها الأوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك لأنه من تعليق التمائم المحرمة. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Ce hadith vient prouver que le fait d'attacher autour des coups des chameaux ou autres, des corps ou similaires, afin de repousser des maux, cela est haram et c'est du polythéisme. Car cela revient à attacher des amulettes interdites. ما يستفاد من الحديث؟ أولا أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم. Premièrement, que le fait d'accrocher des cordes afin de repousser un mal a le même jugement que le port des amulettes, à savoir l'interdiction. ثانيا إزالة المنكر. Deuxièmement, on retient ce hadith, le fait de d'éradiquer le condamnable, le mal. Thalithan tabligh an-nas ma yasun 'aqidatahum. Troisièmement, le retient de ce hadith, le fait de faire parvenir aux gens ce qui protège leur croyance. De faire parvenir aux gens ce qui protège leur croyance, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en envoyant cet émissaire. Wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. Selon Ibn Mas'ud رضي الله عنه il dit j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire إن الرقى les incantations والتمائم les amulettes والتولة. Et l'on verra ce que c'est At-Tiwala, fait partie du polythéisme. قال الشيخ الفوزان سيأتي شرح مفردات الحديث في كلام المصنف رحمه الله. Le Cheikh Al-Fawzan dit que les termes du hadith vont être expliqués juste après par l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه وهو الخبر وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل. Le sens général du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le fait d'utiliser ces choses dans le but de repousser un mal ou d'apporter un bien en dehors d'Allah est du polythéisme, car ne détient et n'a le pouvoir de repousser un mal et d'apporter un bien qu'Allah seul. Et ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ce prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole afin de mettre en garde et de montrer l'interdiction de cela. مناسبه الحديث للباب ان فيه بيان ان استعمال هذه الاشياء المذكوره الشرك يخل بالتوحيد. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, il y a dans ce hadith l'explication que celui qui utilise ce genre de choses qui ont été citées fait partie du polythéisme qui porte atteinte au tawhid. ما يستفاد من الحديث أولا الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها وإن كان يتعاطاه كثير من الناس. Premièrement, on retient ce hadith l'encouragement à préserver sa croyance de tout ce qui pourrait l'égratigner ou lui porter atteinte. même si cela est pratiqué par un grand nombre de personnes. Même si cela est pratiqué par un grand nombre de personnes. ثانياً تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة فيه. Deuxièmement, l'interdiction d'utiliser les choses qui ont été citées dans ce hadith. ثالثاً أن هذه الثلاثة المذكورة شرك من غير استثناء. Troisièmement, que ces trois choses citées sont du polythéisme sans exception. ثم قال المؤلف رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته التمائم وكسي الإمام محمد بن عبد الوهاب explique les trois termes cités dans le hadith précédent de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه التمائم Les amulettes, ce sont des choses qui sont accrochées sur les enfants pour les protéger du mauvais œil. Mais si ce qui est accroché est du Coran, alors certains salafs l'autorisent et d'autres ne l'autorisent pas. Parmi eux, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Autrement dit, parmi ceux qui ne l'autorisent pas, Abdullah ibn Mas'ud, qui est le rapporteur de ce hadith. وَالرُّقَى Les incantations هِيَ الَّتِي تُسَمَّ الْعَزَائِمِ qui est une lecture. وَخَصَّ مِنْهُ الدَّلِيلُ مَا خَلَى مِنَ الشِّرْكِ Ici le shirk va expliquer inshallah ce que signifie cette parole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé ces incantations pour repousser le mauvais œil Afwan et la fièvre. Wattiwala, c'est une chose qu'ils fabriquent et ils prétendent que cette chose fait aimer la femme à son mari et le mari et fait aimer yuhabibul mar'ata ila zawjiha fait aimer la femme par le mari et fait aimer le mari par la femme. يعلق قال الشيخ الفوزان يعلق على الأولاد يعلق على الأولاد أي بأعناق الصبيان من العين أي لدفع الإصابة بالعين العزائم جمع عزيمة قيل هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات أو تقرأ في ماء ويسقاه المريض أو تكتب في صحن ونحوه وتحمى الكتابة بماء ونحوه ويسقاه المريض وخص منه أي خرج من عمومه الدليل وهو قوله لا رقية إلا من عين أو حمى كما سبق في باب من حقق التوحيد ما خلا من الشرك أي الاستعانة بغير الله بأن كانت بأسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم qui est attaché autour des enfants, c'est-à-dire autour des coups des enfants. من العين, en parlant des amulettes, ce qui est attaché autour des enfants, pour les protéger du mauvais œil, afin de repousser le mauvais œil de Al-Azaim, qui est le pluriel de Azima. Il a été dit que ce sont des versets du Coran qui sont lus chez ceux qui sont malades. Ou bien, ce sont des versets qui sont lus dans de l'eau, puis cette eau est bue par le malade. Ou bien, d'écrire sur une assiette ou un récipient et chauffer de l'eau et boire cette eau qui sera mélangée à l'encre. Et concernant Ar-Ruqa, sort de l'interdiction de Ruqa en général, celle qui est faite pour repousser un mauvais œil ou une fièvre, comme cela a été cité dans le chapitre qu'on a étudié au préalable, notamment lorsque l'on a expliqué le hadith des 70 qui entreront au paradis sans châtiment ni jugement. Ma khala min ash-shirk, tant que cela ne contient pas du polythéisme, c'est-à-dire le fait de demander de l'aide à autre qu'Allah et que ces incantations soient faites en prononçant des noms d'Allah, des attributs, ces versets et également les invocations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي. Et pour résumer ce que l'auteur rahimahullah a cité concernant le jugement de ces choses se résume comme suit. أولا أن الرقية تنقسم إلى قسمين. قسم مشروع وقسم ممنوع. فالمشروع ما خلا من الشرك والممنوع ما كان فيه شرك. Premièrement, que la ruqya, le fait de lire des incantations, est de deux sortes. Une première qui est interdite, une première qui est autorisée à foin et une autre interdite. Quant à la manière légiférée, c'est celle qui ne contient pas du shirk. Quant à celle qui est interdite, c'est celle qui contient du shirk. Donc la ruqya, les incantations, elles sont autorisées lorsqu'elles ne contiennent pas du shirk. La ba'sa bil-ruqa ma lam takun shirka, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Point de mal sur les concernant les incantations tant qu'elles ne contiennent pas du polythéisme. La deuxième chose qu'on retient de la parole de l'auteur rahimahullah, أن التمائم تنقسم إلى قسمين قسم ممنوع بالإجماع وهو ما كان يشتمل على شرك وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن قيل إنه جائز وقيل إنه ممنوع والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن. Deuxièmement, on retient de la parole de l'auteur que les amulettes sont de deux sortes. Il y a la première sorte qui est interdite à l'unanimité des savants, qui sont les amulettes contenant du polythéisme. Et une autre partie qui est sujet de divergence chez les savants, à savoir les amulettes qui sont qui contiennent des versets du Coran. Il a été dit que cela est autorisé et d'autres ont dit que cela est interdit. Et le plus juste, comme le dit Cheikh Fawzan, est que cela est autorisé et que cela est interdit à Fouane. Saddan lidhari'ati, afin de fermer toutes les portes vers le mal et pour protéger le Coran. Et pour protéger le Coran. Ici, je vais vous citer la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans l'explication de Kitab al-Tawhid, afin de compléter ce deuxième point concernant les amulettes qui sont composées de versets du Coran. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد ولهذا نقول الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن كالغيبة مثلا ودخول بيت الخلاء، وأيضا إذا علق وشعر أنه أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة، فمثلا علق آية الكرسي على صدره وقال ما دام أن آية الكرسي على صدري قلت فلن أقرأها، فيستغني بغير المشروع عن المشروع. Il dit, rahimahullah, c'est pour cela que nous disons que ce qui est le plus proche est de dire qu'il n'appartient pas d'attacher des versets du Coran dans le but d'espérer une guérison. Surtout lorsque celui qui porte ces versets du Coran fait des choses qui viennent contredire le caractère sacré du Coran, comme de faire de la médisance ou de rentrer dans les toilettes. Et également, celui qui porte ces amulettes contenant des versets du Coran et ressent une amélioration de son état de santé, eh bien cela, il va se passer de lire le Coran qui est légiféré. Là on parle du fait de porter des versets du Coran. Or ce qui est légiféré à l'unanimité des savants lorsqu'on est malade et qu'on veut guérir, c'est de lire le Coran. Une personne qui porte des amulettes contenant du Coran peut sentir une amélioration et du coup dire bah, « cela me suffit, je n'ai plus besoin de lire ». Et le Cheikh, rahimahullah, donne un exemple en disant « s'il accroche le verset du repose-pied, Ayatul Kursi, sur sa poitrine, et dit « tant que ce verset du repose-pied, Ayatul Kursi, est accroché autour de mon cou », eh bien, je n'ai plus besoin de le lire. Ainsi, il est préoccupé par une chose non légiférée vis-à-vis d'une chose qui est légiférée. Pour cela que beaucoup de savants considèrent que le fait de porter des amulettes est interdit dans les deux cas. Que ces amulettes soient... contiennent des versets du Coran ou non. Bien sûr, s'ils contiennent du shirk, la gravité, comme on l'a dit, est attestée par l'unanimité des savants. Et si c'est des versets du Coran, ou ça peut être, même si c'est des versets du Coran, eh bien l'avis le plus fort, wallahu a'lam, c'est que cela est interdit afin de fermer la porte à tout mal, comme l'a dit Cheikh Fawzan, et afin de préserver le Coran. Thalithan at-tiwalatu, et la troisième chose qu'on retient de la parole de l'auteur, rahimahullah, c'est que at-tiwala est interdite sans divergence entre les savants, car c'est une forme de sorcellerie. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. Et selon عبد الله بن عكيم qui le rapporte du prophète صلى الله عليه وسلم, celui qui accroche une chose sera confié à celle-ci. Rapporté par l'imam Ahmed et l'imam al-Tirmidhi, et c'est un hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Abdullah ibn Ukaym wa yukanna Aba Ma'bad al-Juhani al-Kufi adraka zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa la yu'raf annahu sami'a minhu marfu'an ay ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man ta'allaqa shay'an ay iltafata qalbuhu 'anillahi ila shay'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u 'anhu وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه من دونه وخذله. عبد الله بن عكيم كي pour cognat أبو معبد الجهني الكوفي qui était vivant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas connu qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Marfou'an, c'est-à-dire qu'il remonte cette information jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ta'allaqa shay'an, celui qui accroche une chose, c'est-à-dire celui qui détourne son cœur d'Allah vers une chose qu'il considère comme pouvant lui apporter un bien ou repousser de lui un mal. Wukila ilayh, il sera confié à cette chose, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal le confiera à cette chose auquel son cœur s'est attaché en dehors d'Allah, et cela sera une forme d'humiliation vis-à-vis de lui. المعنى الإجمالي للحديث هذا حديث وجيز اللفظ عظيم الفائدة يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه فمن تعلق بالله كفاه ويسر له كل عسير ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. Le sens général de ce hadith est bref dans ses termes mais immense dans ses sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que celui dont le cœur se tourne vers une chose par son cœur ou par ses actes ou par les deux en espérant de cette chose un bien ou de bénéficier ou d'être repoussé d'un mal, Allah le confiera à cette chose à laquelle il s'est attaché. Celui donc qui s'accroche à Allah, Allah lui suffira et lui facilitera toute chose difficile. Quant à celui qui s'attache à autre qu'Allah, Allah le confiera à ce à quoi il s'est attaché et l'humiliera. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي والتحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار. Le contexte de ce hadith, dans ce chapitre, il y a dans ce hadith l'interdiction et la mise en garde entre le fait de s'attacher à autre qu'Allah dans le fait de vouloir un bien ou d'être épargné d'un mal. ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن التعلق بغير الله. Premièrement, l'interdiction de s'attacher à autre qu'Allah. ثانيا وجوب التعلق بالله في جميع الأمور. Deuxièmement, l'obligation de s'attacher à Allah dans l'ensemble des affaires. ثالثا بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته. Troisièmement, il y a dans ce hadith l'explication du caractère néfaste du shirk et de ses mauvaises conséquences. Rabi'an, أن الجزاء من جنس العمل. Quatrièmement, que la rétribution est proportionnelle à l'acte. La rétribution est proportionnelle à l'acte. Parce que cette personne s'est attachée à autre qu'Allah, eh bien Allah le confiera à cette chose à laquelle il s'est attaché. Khamisan, anna natijat al-amali tarji'u ila al-amili khayran aw sharra. Cinquièmement, que la conséquence d'un acte, que cette conséquence soit bonne ou mauvaise, retombe dans tous les cas ou revient dans tous les cas vers l'auteur de cet acte. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.